France Impro, ça donne chaud. Et oui, bonjour, vous ne rêvez pas, il est 10h pile, on est à l'heure et c'est France Impro qui démarre. Et aujourd'hui, nous accueillons Sébastien Sirotto qui viendra nous parler du festival Noise. C'est la 6e édition. Salut Sébastien. Bonjour. Et en plus, nous accueillons Florian Astorg. Bonjour. Et Julien Gineste. Et bonjour. Bertrand Fraisse. Ah, il est un tout petit peu pris, on lui dira bonjour un peu plus tard, peut-être. Tout de suite, le faux jingle. Voilà, bon réveil à tous. Merci de nous suivre. Pour, voilà, c'est, ça fait plaisir. On ne sait pas combien vous êtes à nous écouter, mais on est bien contents. Salut Jean-Michel. Sébastien, on va d'emblée écouter quelque chose que tu nous as amené. Donc, du coup, c'est un solo. On l'écoute peut-être et tu nous en parles un peu plus après. Carrément. Yes. Thank you. Voilà, donc on vient d'écouter Eric M. Sébastien. C'est ça, Eric M. Solo de platine vinyle. Parce qu'à l'époque, il jouait des platines vinyle, maintenant il joue des platines CD. Mm-hmm. Voilà, c'est assez rare. Voilà, les platines CD, on a l'impression que c'est un peu un truc bizarre, mais en fait, ça lui permet lui de préparer des CD en fait, lui-même. Donc ils sont déjà hyper, hyper préparés. Et en fait, c'est quelqu'un qui vient plutôt des arts plastiques. En fait, il s'est intéressé au vinyle pour l'objet d'abord, notamment pour les pochettes. Il faisait un peu le même travail que Christian Marclay, qui faisait les collages de pochettes, qui reprenait. La tête de Michael Jackson avec un corps de nana ou des trucs comme ça quoi. Donc il travaille vraiment sur l'objet vinyle et sur le vinyle en lui-même en le cassant, en le recollant, en faisant des choses comme ça. D'accord. Et il s'est mis en fait à pratiquer la musique, en parallèle il faisait de la guitare électrique et il s'est mis vraiment à pratiquer la musique électronique à partir de là quoi. Okay. Et voilà, c'est un musicien qu'on n'entend pas très souvent à Toulouse en fait. Si je me souviens bien, il était passé avec Martin Tétrault il y a quelques années au Théâtre Garonne. Un duo là, de platine qui était assez chouette, qui était même super. Et voilà, donc il viendra là avec Cartouche, un duo avec Natacha Muslera, qui est une chanteuse-performeuse. D'accord. Le vendredi soir. Voilà. Ok. Je peux dire d'Eric M. Eric M. Donc ça, c'est le vendredi 16. C'est ça. Ok. Du coup, c'est dans le cadre du festival Noise. C'est la 6e édition. Tu peux nous en parler un peu plus. Ouais, bah donc voilà. 6 ans. Un festival qui a été monté par un collectif de musiciens qui s'appelait l'IREA, qui n'est plus très actif maintenant. Dans lequel il y avait Michel Doneda, notamment, qui était assez actif. Voilà, qui s'occupait de la programmation avec Bernard Astier aussi, qui est un vieux loup des scènes qu'on retrouve un peu à droite à gauche dans tous les festivals. Soit à Luz ou à Mulhouse, ou etc. Et voilà, là, il y avait un peu moins d'énergie là, l'année dernière pour continuer le festival. Donc il y a Michel Mathieu, là, qui est le directeur du théâtre, qui m'a branché pour lui filer la main, quoi, en fait. Voilà. Et donc on continue, voilà, sixième année. Il y a deux petites soirées, voilà. C'est un mini-festival, là, condensé, là, sur deux jours, jeudi et vendredi 15 et 16 décembre. Voilà, au Théâtre du Ring. Au Ring, voilà. Au bout de la route de Blagnac, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu plus loin que Job en fait. Quand vous êtes à Job, vous y êtes presque. Voilà. Ok. Moi, je connais pas. J'allais poser la question pour ceux qui connaissent pas, enfin, la musique improvisée ou la noise. Est-ce qu'on peut juste parler un peu de ce mot-là, la noise? Ouais. Alors, ce que je vois du coup sur le fly que tu nous as amené, aux frontières du bruit. Ouais. Est-ce alors, en fait, le festival s'appelle Noise, mais c'est vraiment pas un festival de noise music au sens du genre de la noise music. Même s'il y a un saxophoniste, Antoine Chessex, qui vient, qui lui est vraiment dans ces musiques-là, mais c'est un festival de gens qui questionnent la musique un peu en dehors de l'idée qu'on se fait de la musique qui est en gros un rythme, une harmonie, une mélodie. Hein. C'est un peu, voilà, si on veut résumer très très court. Et il y a aussi un peu d'autres façons de faire. Et voilà, c'est des gens qui questionnent soit avec une pratique instrumentale, soit avec des objets, avec plein de types de matériaux. Il y aura aussi une installation de ballons de baudruche, par exemple. Donc voilà, et qui questionnent plutôt l'écoute, en fait. C'est surtout ça, en fait. Il n'y a pas d'idée de que ce soit on fait de la noise ou du bruit ou je sais pas trop quoi. C'est juste on propose des choses à écouter, en fait. Et il faut juste venir écouter, en fait. Il n'y a pas plus que ça, en fait. Il n'y a pas à connaître. On peut prendre ça aussi, voilà, juste tranquillement, quoi. Comme une proposition. Et, c'est ça. C'est de la musique et c'est pas forcément classable. Ouais, c'est pour ça qu'on n'a pas mis un sous-titre, genre c'est pas musique improvisée ou musique expérimentale, je sais pas, ça a pas trop de sens en fait, c'est juste des gens qui ont un instrument dans les mains, donc ça s'appelle un instrument de musique, donc on va dire qu'ils font de la musique, quoi. Donc, ça, voilà. Chouette, t'avais du coup une autre piste à nous proposer? On peut écouter Prune Béchaud, c'est une violoniste qui joue du violon baroque, donc c'est des violons, au lieu d'avoir des cordes en acier, elles ont des cordes en boyau, boyau animal. Elle a une proposition en solo qui s'appelle Tripes et poils. C'est les tripes donc, de son violon qui rencontrent les poils de son archet, comme c'est du crin de cheval. C'est pas très vegan comme musique. Il faut le remarquer quand même. Et pareil, c'est une musicienne qui penche un peu aussi du côté de Elle a eu un cursus aussi des beaux-arts, donc elle a aussi une réflexion qui est un peu, qui est pareil que musicale. Et elle a vraiment un travail sur l'instrument, elle a des systèmes de jeu, en fait, qu'elle a développé. Donc c'est une suite, elle va présenter une suite de petites pièces. Et c'est un travail vraiment de mouvement de l'archet. Donc comme ça paraît très, c'est un peu mécanique. Et en fait, ça fait aussi, ça fait une musique, en fait, qui est très vivante, qui est très chouette. C'est amplifié de très près, voilà, on a l'impression d'être au cœur du violon. Et c'est un beau boulot. Voilà, une musicienne qui est en Dordogne. D'accord. Voilà. Prune Béchaud, donc, qui sera programmée le 15, voilà. Jeudi 15. En solo. En solo. Et bien, tout de suite, un extrait ou une piste entière, à voir. Voilà, Prune Béchaud sur Éphémère, une sélection de, une sélection, oui, c'est ce que tu nous proposes à travers le festival Noise, Sébastien. C'est ça. Et on va en profiter pour justement laisser la parole à deux musiciens qui sont avec nous dans le studio, qui vont jouer aussi normalement en trio la semaine prochaine. Mais bon, il y a encore une semaine pour que le dernier musicien arrive. Ça ira. On pense bien fort à toi, Bertrand. Florian et Julien qui jouent dans le trio Piac. C'est ça. Le trio de Toulouse, musicien toulousain qu'on voit quand même souvent jouer à Toulouse. C'est ça. Partie du collectif La Main Mouche. On voit moins souvent du coup le Budrenné, parce que là c'est le Budrenné, mais bon, c'est pas le Budrenné, parce que c'est pas exactement la même instrumentation. Mais on en parlait tout à l'heure avant le. Avant, oui. Bah, le Budrenné, c'est oui, c'est Julien et moi aussi, mais dans lequel je joue de la batterie et avec de la vidéo aussi qu'on pourra forcément pas proposer ici. Mais là, c'est juste les deux tiers de Piac en fait. On est tous les deux au saxophone et d'ordinaire Bertrand est avec nous, mais il sera avec nous vendredi prochain au Ring. Bah, Piac, voilà. Vous pouvez nous raconter un peu ça. Piac, ouais, oui. C'est quoi, ça fait 6 ou 7 ans que... C'était quoi, 2009 plus 6, 7, égale 7. Ça fait, ouais, 7 ans. Alors, avec Julien, ça fait 10 ans qu'on joue ensemble déjà, dans plusieurs formations de rock expérimental ou de trucs un peu trash ou de fanfare électrique ou de, plein de choses, quoi. Enfin, ça fait un moment qu'on partage le son ensemble. Et en 2009, on s'est trouvé avec Bertrand qui est percussionniste et qui est venu à la percussion de manière très empirique en fait, qui pratique aussi le synthé analogique ou la guitare, ou enfin voilà, plein d'instruments, mais d'une manière qui vraiment lui appartient qu'à lui, quoi. Et donc la rencontre elle s'est fait assez vite. Un jour, naturellement aussi. Ouais. C'est une période où c'est pas mal la période où je rencontrais beaucoup Bertrand, où on jouait en duo un peu tout le temps comme ça, dans plein de configurations. Et un jour on a joué sax batterie à deux, et puis on s'est dit mais avec un autre sax ça serait super. On était en plein dans l'écoute d'un peu de l'équipe de Peter Brutzmann ou des gens comme ça, des musiciens de la scène free, un peu les fers de lance de la scène européenne, quoi. Des années 70-80, ouais, voilà, ouais, aujourd'hui. Ouais, mais... ouais. Et donc il y avait cette envie-là de jouer un truc un peu sauvage avec juste percussion et soufflant, quoi. Et voilà, on s'est dit, mais avec Julien, ce serait super. Et la première sortie publique de Piak, c'était un contexte complètement incongru à Figeac, dans une soirée dédiée aux musiques jamaïcaines, quoi. Voilà, je vous expliquerai pas comment on a atterri là, mais au lendemain d'un concert, on était allé voir le trio de Peter Brutzmann qui s'appelle Full Blast, justement. Et voilà, donc on était en plein là-dedans. Ça, c'était c'était en 2009, quoi. Depuis, la musique, elle a pas mal évolué. Au début, les concerts, ils faisaient moins d'un quart d'heure, quoi. Et là on joue, on a mis de la durée dans cette musique-là. Il y a pas mal d'ambiance, de drone, de musique assez horizontale, avec un son très, très petit parfois. Enfin, les deux aspects principaux vraiment de la musique de Piak, c'est cet aspect-là assez méditatif, et aussi des grandes fulgurances hyper free où ça gueule, quoi. Voilà. Tu parlais des références du free jazz européen, voilà, ouais. Brutzmann, etc. Et il y a aussi un peu des influences des musiques de trance, on peut dire. Il y a ça. Tu parles de drone et c'est avec le travail de percussion notamment, qui est une espèce de... Mais Bertrand, il amène beaucoup ça, avec il a un set de batterie qui est assez particulier aussi, avec beaucoup de gongs ou des grelots, voilà, des choses comme ça qui complètent un peu son set de batterie. Oui, il a une collection de gongs incroyable. Son studio. Et puis après, tous les trois, on a ce goût-là aussi pour un peu des choses qui viennent de certaines musiques populaires ou traditionnelles d'un peu partout dans le monde, avec cet aspect un peu rituel, quoi. Et la musique électronique aussi. Aussi la musique minimaliste, avec des choses comme la Monte Young, ce genre de choses aussi, qui viennent là aussi. Terry Riley la Montaignan beaucoup. J'en profite pour rebondir d'ailleurs, parce que là vous êtes deux des trois musiciens de Piak, donc vous êtes les deux saxophonistes, et vous avez tous Piak, vous avez après des duos constitués, enfin voilà, entre les trois musiciens vous faites tous des duos, voilà. Et il y a notamment Nibul qui joue demain soir. Voilà, on joue ce soir au pavé. Disons, en fait, voilà, justement, les deux identités dont parlait Florian tout à l'heure. Le côté drone, musique un peu trans, ça c'est vraiment, c'est incarné vraiment par Nibul, quoi. Et puis le côté free, voilà, est un peu l'autre duo que j'ai avec Florian, qui s'appelle Le But Traîné, quoi. Où vraiment, enfin, c'est un peu ces deux directions qu'on a. Qu'on a matérialisé en deux duos différents. Et j'ai une question. Est-ce que vous vous rencontrez des fois, la trance et le free? Dans Piak. C'est vraiment, vraiment la musique du trio. C'est vraiment la rencontre de ça, quoi. Ok. Ouais. Et après ça, dans l'approche du son aussi, c'est vrai qu'il y a aussi l'influence de tout ce qui est musique amplifiée, dérivée du hardcore, des trucs plus trash comme ça. Dans l'approche du son, il y a ça aussi, quoi. Mais qui est dans l'énergie, qui est très liée au free jazz aussi. Votre dernière sortie, c'était du coup La Mamouche qui est organisée. C'était en septembre, il me semble. Non, alors là, c'était pas organisé par La Mamouche. Ah d'accord. C'était une initiative spontanée de Guillaume, dont j'ai plus le nom. Qui est au Pavillon Sauvage, avec il y avait deux groupes, Veluxed et Boom, plus Piak au skatepark des Ponts Jumeaux du port de l'Embouchure. Mais chute, c'est secret. C'est ça. Vous nous faites une petite pièce en duo? On fait un bout de musique, bah, allons-y. Allez. Donc, Piak à deux. Thank you. Il est 10h25 sur FMR. Voilà, c'était un bon petit réveil là, des oreilles là. C'est moi, super, hein, super, super belle musique. Il y a vraiment, moi, je suis toujours fasciné de voir vous jouez tous les deux des saxophones alto et de voir en fait que finalement l'instrument, il est rien sans la personne qui joue. En fait, il y a vraiment deux sons différents, deux façons d'accrocher le son comme ça, hyper différentes et qui se complètent super bien. Moi, vraiment, je trouve ça fascinant. Et c'est marrant, là, on est vraiment passé dans plein de choses. Il y a eu des choses très horizontales quand même. Et puis après, passage hyper free, à la fin, on était presque dans la musique traditionnelle. Voilà, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a plein de, on peut s'accrocher de plein de façons. Oui, oui, un peu tous ces aspects-là qui se côtoient. La présence du bourdon, enfin, le rapport aux musiques traditionnelles, il y a ça vachement aussi. Des bourdons et puis le voyage quoi. Enfin, moi, ce qui me plaît beaucoup là quand on joue ça, c'est un peu la continuité quoi. Le je sais pas, on démarre, il y a tel son au début, on est dans une certaine atmosphère et puis ça dure parfois, on peut, enfin la durée des morceaux c'est quand même un peu aléatoire, mais ça nous arrive de jouer 50 minutes ou une heure sans s'arrêter. Et là, c'est quand même une même histoire avec un début, une fin, mais ça passe par plein de phases qu'on découvre au moment où on joue, en fait. Quoi. Et je sais pas, j'aime beaucoup ça, en fait. Et un engagement aussi physique, ça, c'est une constante. Ouais. Un peu. Je sais pas, Julien, tu veux parler de ça. Bon, au niveau de l'énergie, ouais, enfin, c'est au début, vraiment, justement, dans le début de Piak, c'était vraiment ça. Envie de vraiment de lâcher, d'avoir une grosse énergie, d'envoyer frontalement et tout. Ça c'est resté, mais justement voilà, on l'a développé dans d'autres formes, plus sur la durée et tout. Mais ouais, il y a cet engagement physique qui est important pour nous. Ouais. Chouette, moi je vous avais jamais entendu à deux sax comme ça. C'est assez fou. J'espère que vous en avez bien profité. On va peut-être enchaîner du coup avec une autre piste, Sébastien. Bah, moi, je voulais rebondir un petit peu sur les questions, noise, bruit, machin, tout ça. Qu'est-ce que c'est? Pour ma part, en tout cas, il y a quelque chose qui a été. C'est lié à mon parcours. Moi, j'ai fait des études de son, en fait, de prise de son. Okay. En parallèle à la pratique musicale. Et voilà, un BTS audiovisuel, machin. Okay. Donc, on peut rappeler que tu es trompettiste. Ouais, voilà, je suis trompettiste. On te connaît. Ouais, on peut dire ça. Notamment pour ça. Mais... Ouais. Et voilà, donc c'est des études, c'est un peu pour bosser à la radio, à la télé, faire des films, machin, comme ça. Et il y a un truc, à un moment, voilà, on prend un micro au bout d'une perche, on met un casque sur les oreilles, et d'un seul coup, on se met à écouter vraiment ce qui nous environne d'une façon super différente. Quoi. C'est un peu le principe de l'appareil photo. Hein, et il y a plein de gens qui ont cette pratique-là. Il y a un nom, ça s'appelle la phonographie, mais on peut appeler ça comme on veut, la prise de son, machin, tout ça. Moi, ça a été un truc vraiment hyper... Hyper important pour moi pour justement prendre conscience que finalement c'est aussi en écoutant que soi-même on vient intégrer tous les sons qui nous environnent et pouvoir les écouter d'une façon, alors on peut appeler ça comme on veut, poétique, machin, musical, comme on veut, mais et voilà, et ça c'est un, pour moi c'est un des trucs qui a aussi énormément influencé ces pratiques de bruit, on va dire, musique bruitiste. Ça remonte en fait, la technologie de l'enregistrement, il y a 100 ans, ça correspond aussi au moment des nouvelles avant-gardes du début du XXe siècle, ça correspond à plein de choses. Et voilà, donc là j'avais envie de faire écouter une pièce d'Éric Cordier, enfin un extrait d'une pièce d'Éric Cordier. Éric Cordier, c'est un musicien d'ailleurs qui fait de la vie à la roue, que vous connaissez, qui travaille beaucoup avec Eric Lacasa notamment. Qui est un musicien électroacoustique qui travaille beaucoup avec Jean-Luc Guillonnet, voilà, pour faire les liens avec le saxophone. parler une autre langue. qui sont assez actifs sur les scènes des musiques électroacoustiques, improvisées, etc. Et Éric Cordier, c'est un mec qui balade ses micros un peu dans le monde entier. Et là, il a passé pas mal de temps au Japon à enregistrer les geysers et toutes les sources volcaniques, etc. Donc là, on va écouter un extrait d'une pièce qui s'appelle Ozorezan, et c'est la deuxième partie qui s'appelle L'air dans l'air. Vous êtes sur France Impro. Et tout de suite, on rempile avec Petit Piac. Thank you. Thank you. Voilà, donc Florian Nastorg, Julien Ginès, Petit Piac. Et Piac, du coup, que vous retrouverez au Festival Noise 6e édition au Théâtre du Ring. Donc, ça sera le jeudi 15. C'est un festival qui aura lieu donc, la semaine prochaine, jeudi 15 et vendredi 16 décembre. Et au bruitisme, Petit Phil Lémon, 3 ans, qui est avec nous, avec Dominique et à la technique aujourd'hui. Voilà, il nous reste un peu plus d'un quart d'heure. On voulait parler, Sébastien, du coup, de Antoine Chessex pour terminer, pour clore un peu le programme de ce festival. On peut parler d'Antoine Chessex, ouais. C'est un musicien suisse qui fait du saxophone ténor, qui joue dans un groupe noise qui s'appelle Mono, que Julien a vu, je crois, puisque vous avez partagé la scène, il me semble. Ouais, il y a un petit moment dans un festival. Et ouais, c'est vraiment un groupe, une sorte de groupe de doom expérimental, enfin en gros une sorte de groupe de métal qui joue lentement avec du son vraiment très, enfin du gros son. Et ouais, c'est quelqu'un qui s'engage vraiment dans les musiques très très bruitistes. Lui pour le coup, c'est vraiment un noise festival quoi. ouais, un engagement dans le son qui est vraiment total quoi. Et ouais, c'est vraiment à voir quoi. Mono, c'est quoi l'instrumentation? C'est je crois qu'il y a que des guitares, des basses, enfin c'est vraiment une instrumentation de groupe de métal quoi. Et en plus Antoine Chessex au sax quoi, amplifié, voilà quoi. Enfin, justement les sons se croisent, on distingue pas qui c'est qui joue de la guitare, qui c'est qui joue du sax quoi. C'est vraiment une grosse masse sonore. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui pratique vraiment le saxophone amplifié quoi. Oui, il a de l'électronique, il a des pédales d'effet. Là pour la semaine prochaine, il a demandé une sono plus un ampli guitare. Il me dit pas de problème, on va trouver ça. Donc ça, voilà, c'est là on va en diffuser un extra à la radio. C'est vraiment quelque chose qui c'est une immersion physique vraiment du son. C'est quelque chose de massif avec justement des aplats, des grandes plages comme ça de sons très gras et qui se superposent. Pour ceux qui connaissent un peu par exemple Casper Toplitz, c'est un musicien avec qui il a beaucoup collaboré, un bassiste qui joue plutôt dans les scènes un peu électroacoustiques, mais qui est vraiment un punk, qui joue voilà des gros sons de basse avec un ordi qui vient voilà, accumuler comme ça de l'infrabasse et juste comme ça. Il bosse aussi beaucoup avec Jérôme Nottinger, avec Valerio Tricoli aussi, qui est un musicien italien. Voilà, c'est un peu cette mouvance de gens qui jouent fort quand même, qui travaillent vraiment avec un dispositif d'amplification quoi. C'est pas voilà, ça fait vraiment partie de leur musique quoi. Donc voilà, là on vous propose d'écouter un extrait finalement, d'un duo qui fait justement avec Valerio Tricoli. On n'aura pas le temps de passer en entier, c'est vraiment une musique qui s'étire dans le temps. Donc sax et électronique. Ok. Thank you. Voilà, on vient d'entendre Antoine Chessex, qui vient de Suisse, c'est ça hein. C'est ça, saxophoniste. Noise. Voilà. Et bon, voilà, la petite tradition chez France Impro, on vous résume en quelques traits, enfin, du coup, la programmation, bah, tout ce qui se passe, du coup, dans la région, à Toulouse, dans le département, en termes de musique improvisée, de manière large, et du coup, c'est Sébastien qui s'y colle. Avec Florian. Avec Florian. Alterné, comme ça, c'est sympa. comme oui. La météo, un peu. Ouais. C'est moi qui démarre, puisque c'est les copains qui jouent. Décembre, 10 décembre, c'est aujourd'hui. Ce soir au Théâtre du Pavé, Nibule, donc avec Julien Ginest ici présent et Bertrand Freiss. Musique de drone, batterie sax avec électronique, un ratable et le groupe 4. Donc le groupe 4, c'est Jean-Luc Guillonnet, David Chiesa, Lionel Marchetti et Didier Lasserre. Voilà, qui joue donc en deuxième partie de soirée. Tout ça, c'est au Théâtre du Pavé à 20h30. Voilà. Ensuite, demain, dimanche 11 décembre, il y a un duo de musique électroacoustique et musique électronique et saxophone avec Miguel Garcia, qui est un musicien de Bilbao qui joue de l'électronique, et Ilya Belorukov, un saxophoniste russe de Saint-Pétersbourg. Et ça a lieu au Caméléon à 19h. Participation libre et nécessaire. C'est organisé par Eddie Boubaker. Voilà, le 13 décembre, Memento Trio, Dominique Regev. Via la roue, Mathieu Verchowski, violon, Caroline Angrémy à la voix, au ring à 20h30. Voilà, des musiciens qui jouent ensemble depuis quelques années, déjà en musique improvisée. Le 15 décembre, ensuite, concert sur le fil, soirée consacrée à l'expression libre. À l'archipel, donc à 19h30, avec Amor Fati, trio. Laurent Avizou, clarinette, guitare, Guillaume Petit, saxophone, Fred Cavalin, percussion, avec donc une soirée dédiée aux rencontres de musique improvisée et pas seulement. Archipel, c'est une galerie à Arnaud Bernard, en bas de la place Arnaud Bernard. Voilà, c'est à Arnaud Bernard. C'est une asso, ouais. Voilà, donc 19h30. Ouverture des portes et ensuite deux grandes parties pour la soirée. Voilà, ensuite jeudi, il y a plein de concerts. Donc il y a un concert aux abattoirs qui est organisé par le label Isola. C'est le label qui organise aussi les soirées à Bruit Secret. Il y aura Hakim El Marakchi qui vient du Maroc. Hypnose arabe, c'est un luth relié à un petit ampli et apparemment c'est super. Il y a Tocity, batterie, bloc et silence, un artiste hyper réaliste. Voilà, ça c'est aux abattoirs, et c'est à une certaine heure, je pense vers 20h ou 19h, c'est à 19h30. Voilà. Et il y a aussi, jeudi prochain, le début du festival Noise, voilà, Noise numéro 6, au théâtre Le Ring. Donc c'est jeudi et vendredi prochain. Jeudi soir, c'est une soirée où il y aura trois solos. Il y aura donc Prune Béchaud, qu'on a écouté tout à l'heure, au violon baroque, Trip et Poil. Ensuite, il y a une installation d'Alex Mondizabal, voilà, un artiste espagnol qui vit en Italie, qu'on a pu entendre à Luz, pour ceux qui étaient à Luz Saint-Sauveur cet été, au festival Jazz à Luz. C'est super, super beau, une installation avec des ballons de baudruche, ça paraît un peu comme ça, mais en fait, c'est vraiment très, très classe. Super belle musique. Et on finira la soirée avec Antoine Chessex, saxophoniste Noise, voilà, une grosse masse de son qui va bien venir nous réchauffer là, dans cette salle. Donc, c'est au Ring et c'est à 20h30. Et le lendemain, on continue le festival, donc vendredi 16 aussi à 20h30, on retrouvera Piak, donc cette fois en trio, avec donc Florian Astorg, Julien Ginest et Bertrand Fraisse, musicien toulousain qu'on a souvent l'occasion d'entendre, mais finalement Piak, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas entendu, donc on sera bien content de vous retrouver. Et en deuxième partie de soirée, il y aura Cartouche, donc Eric M au platine et Natacha Muslera à la voix, une super belle performance, assez virtuose et en même temps hyper primale, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Donc ça c'est au Ring, alors il y a des tarifs, alors c'est une soirée, c'est 12€, 8€ en tarif réduit ou 5€ pour ceux qui ont les minimums sociaux, et si vous voulez venir les deux soirs, en tarif plein c'est 20€, en tarif réduit c'est 13€, et pour ceux qui ont les minimums sociaux c'est 10€, voilà, les deux soirées, donc ça reste quand même assez accessible. Oui, c'est très abordable. Voilà, au Ring c'est deux soirs, et le même soir, vendredi soir, Bateau Jean à l'impro. Bateau Jean, c'est Camille Sechepé, qu'on connaît bien à la clarinette et au saxophone, Laurent Paris à la batterie, Xavier Camarasa au Rhodes, au clavier, et Lucie Laric au violon, sur des compositions, entre autres, de Lucie Laric. C'est à l'impro à 20h, vendredi soir. Ensuite, du alors 16 et 17 décembre, performance. Tarkos se promène. Ça, c'est au théâtre du Hangar, autour de la poésie sonore de Christophe Tarkos. Allez-y, est-ce que j'ai donné avec l'heure? Avec Philippe Gelda au piano et Jean-Marie Champagne à la voix. Voilà, c'est exactement ça. Et par la suite, du 21 au 23 décembre, performance, session d'improvisation, composition instantanée. Donc c'est 3 jours de rencontre et d'exploration entre improvisateurs avec des danseurs, des musiciens, des invités de Lyon, Paris, Montpellier. Ouverture au public de 17h à 18h30 chaque soir pour assister aux expérimentations en cours, commenter, réagir, échanger avec les performeurs. Accès libre, donc c'est à... le lieu, c'est le studio 3, 5 bis impasse Max Bellac à Tournefeuille. Voilà, et le contact c'est la compagnie Emmanuel Grivet. Et donc voilà, là on arrive au bout, et au bout et de l'agenda de non, non, décembre. L'agenda non. Finit, le voilà. Mois de décembre finit avec, enfin finit pas, mais en tout cas serait incomplet sans le grand bal d'Anarchie dans l'IOCA. Ah, mais oui. Le grand bal qui a lieu donc samedi prochain, le 17 décembre, dans lequel nous retrouvons Florian Astor qui a déjà oublié qu'il est toute la semaine prochaine en résidence à Mixart Miris pour une version enlargée de BDC Label. Tu peux nous en dire deux mots quand même? Oui, alors BDC Label, à la base on est 6, il y a un son très rock avec de la musique improvisée, enfin, et voilà, rock noise, jazz core, quelque chose comme ça. Là on invite un vibraphone, un marimba, un set de percussions supplémentaires et un deuxième guitariste. Voilà, donc on se retrouve à 10 et on est donc là toute la semaine prochaine. Là on termine un peu l'écriture de ce nouveau répertoire. Et donc c'est un répertoire pour l'occasion qu'on va monter toute la semaine prochaine pour le grand bal. Donc ça joue à 19h, 20h? Ça c'est à 20h. C'est 20h. À 20h. Mmh. Sachant que le Miris ouvrira dès 14h. Il y aura le loto du Yuka à 17h. On peut gagner, je crois, un rap personnalisé, enfin, des choses comme ça. Il y a des cadeaux un peu secrets encore. Et puis donc BDC, ça enchaînera ensuite avec le Ballon de Vincent, qui est aussi une création du Baron de Vincennes, qui propose un spectacle rock. Apparemment, il y aura un combat d'escrime sur la scène, il y aura des claquettes, il y aura plein de choses. Donc des circassiens, des théâtres, des comédiens, etc., qui viendront comme ça jouer sur les morceaux du Baron de Vincennes. Et ça enchaînera avec Jacques Dupont, du rock progressif de Clermont-Ferrand, de Cartoon, et Priapisme. Il y a aussi Tabanabar, Undude, enfin voilà, une grosse soirée. Tabanar. Voilà, donc il y a une grosse soirée... un peu voilà avant Noël comme ça pour c'est un peu le côté dinde au marron quoi. C'est cadeau. Bien copieux et voilà. Emmenez bon. Toute votre famille si votre tante vient à Toulouse, il faut voilà. Il y a des tarifs famille. Et ben c'est riche tout ça, c'est super chouette. Et ben merci les amis. Donc c'était je sais plus peut-être la 23e, 24e émission. Alors là, aucune idée. Oui, on peut vérifier ça dans les archives de l'émission en ligne. Sur franceimpro.net, voilà, c'est assez facile à trouver. Et là, il y a tous les podcasts du coup de l'émission. Et celle-ci va rejoindre les autres dans pas longtemps. Avec quelques petites photos, peut-être. Avec quelques petites photos aujourd'hui. Prises par notamment Philémon, à 3 ans, qui nous a fait du bruitisme toute la matinée. C'était super chouette, Philémon. Merci. Donc, il y avait Sébastien Sirotto qui nous a parlé du festival Noise 6e édition. Et on a accueilli également dans les locaux Florian Astor et Julien Ginest et qui vont du coup nous proposer un jingle de fin. Et on vous dit merci et au revoir et à très bientôt. Merci bien. À bientôt. Merci. Thank you.